Chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Alors voilà, je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour les 90 prochaines minutes sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, l'alternative à Montréal et dans le monde. Vous connaissez le refrain, c'est comme ça à chaque semaine. Alors nous en sommes à l'édition du 2 octobre 2013. Et puis, l'émission est lancée. Nous allons parler de divers sujets cette semaine. J'ai vraiment plusieurs trucs pour vous sur le menu. On va parler un peu de série, comme on en avait discuté un peu la semaine passée. On va parler de nouvelles diverses aussi. Peut-être un peu de Fukushima. On va parler un peu de ce qui se passe là, Syrie, ONU, là, Conseil de sécurité, là, avec les résolutions qui ont été passées pour éliminer les armes chimiques de la Syrie. Alors on va évidemment parler de ça. On va aussi parler un petit peu là, des trucs du GIEC et du réchauffement climatique. On va aussi parler de différentes nouvelles qui pourraient être intéressantes, parler d'économie peut-être. Donc, différents sujets comme ça. Le système bancaire international qui est un peu lié avec tout ça. Donc, ce qui devrait nous toucher là en ce qui nous concerne cette semaine. Puis, j'avais quelques petits trucs aussi à porter à votre attention à répondre aussi des commentaires. Les petites annonces, quoi. Donc, la première des choses, c'est que la semaine passée, j'ai omis d'en parler. Pourtant, c'est quand même assez crucial, là. Crucial, ça dépend. Là. Encore là, l'émission est plus ou moins écoutée en direct, là, étant donné que c'est une émission qui est diffusée sur Internet. Alors, elle est disponible à n'importe quel moment. Puis, en fait, même les archives de toutes les émissions passées remontant jusqu'à tout début de 2007. Alors, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site officiel de Choc FM, la page particulière de L'Autre Monde sur le site là-bas. Donc, ne manquez pas de visiter ce site. Et puis, la chose que j'avais à vous nommer pour surtout les anciens auditeurs de L'Autre Monde, c'est que nous avons changé de case horaire. Alors, nous sommes passés du lundi 15h au mercredi 14h. Donc, important pour ceux qui écoutent l'émission en direct ou sinon pour ceux qui venaient chercher l'émission le lundi. Alors, il faut attendre au mercredi. Sinon, ben, c'est pas plus grave parce qu'en fait, on télécharge l'émission, on peut l'écouter en podcast, on peut l'écouter sur l'ordinateur, on peut l'écouter en fait de plusieurs manières au moment le plus propice pour vous. Alors voilà ce qui est très pratique avec cette option en fait de la radio internet. Donc quand même, là, c'est de pouvoir l'écouter là, au moment où ça vous plaît le plus. Et puis finalement aussi de les en fait, de les télécharger, de les garder, c'est à vous. Gardez-les, c'est des sources d'information. Et puis, en fait, c'est important de propager l'information, donc soyez ensuite les antennes, les relais, soyez les médias, bref. Donc, voilà, ça c'était important à dire. Deuxième chose que je voulais aussi, en fait, aborder, c'était une question, ça s'est revenu à quelques reprises, là, pas si souvent, mais quand même, là, en fait, c'est un problème réel, là. J'ai un auditeur qui est allé sur la chaîne de L'Autre Monde sur YouTube. Alors, d'ailleurs, je vous invite aussi à aller visiter non seulement la page de L'Autre Monde sur le site de Choc FM, mais aussi d'aller visiter le site YouTube de L'Autre Monde. Alors, on a un site là vraiment où les émissions sont découpées par thème par notre excellent collaborateur français Stéphane Poutoir, que je prends le temps de saluer encore pour ce début de saison qui fait un travail extraordinaire sur la chaîne là, pour tout mettre ça bien accessible à vous, pour que vous puissiez partager les liens, à regarder les trucs par thème, vraiment mettre des vidéos. Alors, après ça, c'est à vous de jouer là. Donc, faites de cette chaîne un succès. Et puis ensuite, il faut pas manquer aussi le blog Les Nouvelles Internationales sur lequel j'essaie de mettre le plus rapidement possible. Comme vous avez vu, des fois c'est pas tout le temps facile pour moi de faire les choses rapidement, mais tôt ou tard elles y seront. Toutes les émissions sont archivées avec les sources d'information dont je discute ici. Alors, en ce qui concerne la semaine passée, c'est pas encore rendu sur le site là. Je dois dire que je suis vraiment dans une période là où je suis vraiment bousculé de toutes parts. Donc je fais mon possible et puis ça y arrivera autant que possible. Donc le bruit en fait qui revenait dans le commentaire, ouais. Alors un bruit de fond que les auditeurs confirment, puis vous avez entendu ce bruit de fond dans la dernière émission qui est la première de la saison du 25 septembre 2013. On entend un bruit sourd en continu, nous dit l'auditeur qui s'identifie avec BKZ367. Alors, effectivement, j'ai écouté l'émission et puis je vais vous dire, on va voir encore avec cette émission comment ça va sortir. J'ai un peu peine à trouver aussi quelle est la source effectivement de ce son qui semble être un grondement, un peu comme un moteur, puis je doute que ça soit un appareil électroménager où je me trouve pour enregistrer. En fait, je suis quand même loin de cet appareil, mais je crois qu'il y a un appareil défectueux et qui gronde, et puis c'est ce qu'on entend un peu à l'arrière. Alors étrangement, soit que le micro est très sensible, ou c'est le micro lui-même qui fait défaut. Alors on verra, on va essayer de trouver la source. Désolé, en tout cas, en attendant, je sais que c'est un peu fatigant. Alors je vous demande pardon pour cela. Et puis on va essayer de trouver la source du problème pour essayer de régler ça, parce qu'effectivement, un son clair est toujours plus agréable. Alors voilà pour cette chose. Alors maintenant que c'est discuté, on va passer à d'autres choses maintenant. Alors bon, écoutez, on va commencer avec quoi? On va commencer avec il y a différents trucs là. On peut y aller vraiment là, de différentes approches. On va y aller, tiens, avec question de réchauffement climatique, hein? Alors un article intéressant ici, allez voir, que j'ai découvert via Alter Info. Ça s'intitule Escroquerie du réchauffement climatique anthropique. Le GIEC continue de falsifier les données dans son nouveau rapport, entre guillemets. Alors, un article qui vient du docteur Roy Spencer, qui a été traduit, en fait. L'article original, on a l'adresse, en fait, la source exacte. Alors, ça a été traduit, là, Dr. Roy Spencer, en fait, sur son site lui-même. Alors, c'est important de rendre les crédits. Alors, je trouvais, bon, je voulais le porter à votre attention, là, je vais vous laisser le lien. En fait, on parle un peu, là, de façon critique, là, c'est encore cette histoire du GIEC et puis Pachauri. Nous n'avons pas besoin de cette salle sans activité climatique. Alors, écoutez, ce qui arrive, c'est qu'on essaye, c'est un peu, j'avoue, avoir froncé les sourcils, moi aussi, en entendant encore les nouvelles et puis les titres un peu partout dans les médias, dans les journaux, alors qu'on entendait que le nouveau rapport du GIEC avait été déposé, et puis qu'on est encore plus certain que le réchauffement climatique était de source anthropique, alors c'est-à-dire causé par l'homme, et puis j'en revenais pas encore qu'on parlait de cette histoire, alors que on a même admis par la tête du GIEC, ainsi de suite, du Goddard Institute aux États-Unis, qui étudie le climat, ainsi de suite, que il n'y a pas eu de réchauffement climatique depuis 15 ans. Hein? Alors, même un léger refroidissement, toutes les prédictions du GIEC se sont avérées fausses, ne sont pas réalisées, ainsi de suite. Alors, réellement, c'est assez incroyable, mais on essaie quand même de pousser la sauce. Alors, vraiment, dans un moment où le GIEC est dans le discrédit total, finalement, pour ceux qui se donnent la peine de chercher un peu, et puis, en fait, de penser critiquement, parce que, réellement, là, ce qu'on appelle la science derrière le réchauffement climatique est réellement, là, si c'est ça que vous appelez de la science, vous avez réellement des standards là, pas très difficiles. Alors, c'est un nouveau résumé pour législateur du GIEC et de son groupe 1 pour le rapport AR5 qu'on appelle le Summary for Policymakers. Vous avez les liens ici vers le document en l'original. Révèle une tentative de sauvegarder la crédibilité du GIEC parmi les preuves toujours plus nombreuses, qui l'a exagéré dans sa tentative de faire peur au public ce dernier quart de siècle. En fait, ça a été même admis par plusieurs personnes à l'intérieur même, très haut placées là, dans ces instances-là de recherche, en parenthèse, là, de pseudo-sciences. On a admis vraiment là, même la tête de Greenpeace, ainsi de suite, là, du GIEC, vous avez aussi, comment ils s'appelaient eux autres, un institut bien important en Angleterre qui étudiait effectivement le climat aussi. Alors, c'est qu'on a utilisé cette histoire du réchauffement climatique de façon exagérée, réellement. C'était admis qu'il était permis même d'exagérer pour finalement en venir à ses fins. Et puis, réellement, sous un beau prétexte de vouloir sauver la planète, malheureusement, parce que c'est vraiment des belles intentions. En fait, on prend les gens en piège avec des buts nobles comme ça, mais qui sont en réalité, en fait, pas des buts qui sont réellement recherchés, là. En réalité, c'est une escroquerie parce qu'on essaye de vous faire croire qu'il se passe de quoi alors que c'est d'autres causes, des causes naturelles, des cycles naturels en plus grande partie. Mais c'était là pour essayer de vous épeurer et puis vous faire croire qu'on avait besoin d'instaurer un genre de gouvernance mondiale. Sous différentes facettes, une de ces facettes-là était effectivement l'environnement. Et puis donner des pouvoirs finalement à un groupe international, un groupe mondial, une gouvernance mondiale qui transcendrait les nationalités, les nations, les nations souveraines, et puis imposer des règlements, des lois, des taxations qui seraient mondiales, mais qui finalement iraient dans les poches de qui? Ben pas des entités qui seraient démocratiquement élues, gérées par la population mondiale, mais en fait entre les mêmes mains de l'élite, entre autres bancaires, qui manipulent cette planète dans des guerres, dans des famines, des crashs économiques, finalement qui maintient la majorité de la planète sous sa grippe du système bancaire fractionnaire basé sur la dette. Donc, on va y revenir un peu. C'est un thème quand même. C'est vraiment la pieuvre qui relie un paquet de trucs, là, réellement. Vous allez voir, ça va revenir de façon constante. C'est ça. Donc, on essaie une tentative là, de sauvegarder la crédibilité du GIEC parmi les preuves toujours plus nombreuses qu'il a exagérées dans sa tentative, chers auditeurs, de faire peur au public ce dernier quart de siècle. La dernière stagnation du réchauffement global depuis une quinzaine d'années n'y est presque pas mentionnée. Circuler, il n'y a rien à voir, dit cet article. Une meilleure estimation pour la sensibilité du climat, ce qui est sans aucun doute la variable de changement climatique la plus importante, n'est plus donnée à cause de la montée de l'évidence contradictoire de savoir si le système climatique s'intéresse vraiment à ce qu'il y ait 2, 3 ou 4 parts de CO2 par 10 000 parts dans l'atmosphère. En fait, On dit de la part du GIEC que sa confiance a doublé, un facteur d'incertitude réduit de 10 à 5% en ce qui concerne leur affirmation que les humains sont la cause derrière le réchauffement de ces quelques 50 dernières années. On dit qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine sur le climat a causé plus de la moitié de l'augmentation observée de la température de surface entre 1951 et 2010. C'est intéressant de lire cet article parce qu'effectivement, il y a des questions à se poser là-dessus. Comme je vous dis, la science est hautement discutable. Une affirmation qui est un peu réellement à examiner. Il y a le reste de cet article là, que je vous invite à lire qui justement discute de pourquoi en fait on devrait un peu mettre ça en perspective et puis se poser des questions sur la justesse de cette affirmation. Donc, écoutez, là, chaleur océanique qui s'est pas révélée par un soi-disant réchauffement de centièmes de degré. On a vu que le CO2 a continué d'augmenter dans l'atmosphère et puis les températures ont soit stagné ou même diminué. Alors, finalement, le lien qu'on a essayé d'établir entre les deux est faux. On a vu qu'il y a eu des périodes aussi, on parle de géologiquement récentes, là, quand même, des époques assez récentes, où le climat a été beaucoup plus élevé, avec des taux de CO2 beaucoup plus élevés, et puis en fait, les catastrophes annoncées ne se sont pas produites là, réellement. Là. Et puis, ces températures qui étaient beaucoup plus élevées, avec des taux de CO2 beaucoup plus élevés, n'étaient pas causées par l'homme. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que toutes les autres planètes du système solaire se réchauffent et se refroidissent à la même période qu'ici sur la planète Terre, là. Fait qu'il faut arrêter de capoter. C'est un phénomène solaire et cosmique, là. OK? Donc, ça fait longtemps qu'on en parle ici sur l'autre monde, mais, vous voyez, on essaie quand même, là, d'essayer de rattraper le truc, là. Et puis, vraiment, ça n'a plus aucune crédibilité, mais c'est quand même important d'en parler parce qu'ils continuent d'émettre des rapports. Imaginez ces gens-là comme si vraiment, là, des sans-honte totale, on pourrait dire, là. On dit que le GIEC refuse de dire que la température globale est stagnante, à tout le moins. On dit que le Global Warming Policy Foundation critique le GIEC pour sa tentative délibérée de masquer la réalité d'une stagnation persistante de la température globale et son échec de se démarquer des fausses informations données par ses modèles. Alors effectivement, on n'admet jamais aussi les erreurs, ce qui est un peu particulier aussi, ce qui enlève beaucoup de crédibilité à un organisme. Quand on fait des erreurs, c'est normal. Là. Je dis n'importe quel organisme pourrait faire des erreurs. Sauf que là, à un moment donné, de voir la persistance de ces gens, ne pas vouloir admettre leur erreur et de vouloir nous inculquer finalement un endoctrinement qui n'est pas basé dans la science est hautement suspect, je peux vous dire. Vous avez cet article-là à lire, et puis un petit paragraphe, et c'est important encore, on dit que le GIEC a décidé de ne pas tenir compte de la stagnation de la température globale depuis 1997 et considère ce fait comme n'étant pas important et a effacé de son document final sa reconnaissance originale, qui était dans son brouillon du 7 juin, que les modèles du climat ont échoué de reproduire la réduction observée de la tendance de réchauffement de surface ces 10 à 15 dernières années. Non seulement le GIEC a échoué à prédire la stagnation de température actuelle, mais ses modèles informatiques climatiques ont en fait prédit une accélération du réchauffement due à l'augmentation des émissions de CO2, en fait ce qui ne s'est pas produit. Au lieu que de reconnaître des faits empiriques et des incertitudes grandissantes, le GIEC essaie de détourner l'attention de ces facteurs clés en clamant une augmentation de la certitude au sujet de la justesse des modèles climatiques et de leurs résultats. On dit que, entre guillemets, aujourd'hui le GIEC a parié gros et ce pari va bientôt déterminer si l'organisation est toujours à même de remplir le but fixé. À moins que les températures globales ne commencent de nouveau à augmenter dans les prochaines années, le GIEC va certainement perdre beaucoup sur le plan de la crédibilité, a dit le Dr. Benny Pazer, directeur de la Global Warming Policy Foundation. Alors, allez voir ça. Un truc assez intéressant, donc on essaie de manipuler, on a bien de la misère finalement là à vous rapporter les choses telles qu'elles sont, alors quand même. Alors ça devait être dit. Ensuite, on va se pencher sur quoi? On va se pencher sur des nouvelles qui vont être un peu général, mais vous allez voir qu'on va tendance à avoir un loucher vers le cas de la Syrie de plus en plus, mais on va tracer des cercles importants. T'sais, j'ai abordé ça la semaine passée quand je parlais des médias et à quel point que les médias finalement sont vraiment en tout cas dans un état critique, disons-le. Réellement, ce ne sont pas des médias. En général, ce sont plutôt des organes de filtration et de manipulation de la pensée. Finalement, on vous rapporte pas vraiment les nouvelles. Justement, tu sais, on contrôle, on essaie de façonner votre perception de la réalité à travers des omissions, transformations, exagérations, finalement, émissions de mensonges, toutes sortes de trucs. Là. Ça finit par vous mélanger tellement qu'il en devient difficile des fois de... Des fois d'expliquer à certaines personnes des choses qui sont même des faits vérifiables, là, mais ces gens-là, à un moment donné, ils sont tellement dans un état où leur réalité est tellement différente, en fait, leur perception de la réalité est tellement différente de la réalité qu'il leur devient difficile de l'admettre et puis se réfugier dans un monde imaginaire réellement. Là. Alors écoutez, je vais ce que j'essaie de dire en réalité, c'est que vous allez voir des citations que je vais vous laisser cette semaine, qui sont intéressantes, qui parlent un peu de ça. Hein? On dit que, en fait, le savoir, ici c'est une citation de Frederick Douglass, qui dit « Le savoir, knowledge makes a man unfit to be a slave ». Intéressant. Le savoir, les connaissances font d'une personne qu'on peut pas réduire, en fait, là, qui ne peut pas être réduit à un rôle d'esclave. Et effectivement, c'est important. Pourquoi je vous parle de ça un peu, c'est que, tu sais, des fois, on dit qu'on parle de des choses un peu négatives ici. Il faut parler des affaires positives, des avancées. Puis vous allez voir, je vais vous en parler. J'ai des nouvelles ici sur l'énergie, des avancées intéressantes. Et puis, on va en parler après la pause. On va faire une petite escapade de ce côté-là. Mais c'est justement, c'est qu'il faut comprendre que les connaissances nous rendent, dans le fond, impossible d'être un esclave. Comprenez, parce qu'à un moment donné, on peut pas faire marche arrière. Puis, quand je parlais souvent sur l'émission qu'on mène une guerre à la classe moyenne, on essaie de la faire disparaître, c'est qu'on s'est aperçu finalement que lorsque la classe moyenne apparaît, finalement s'élargit, cette classe moyenne s'émancipe aussi, devient de plus en plus connaissante, revendique des choses, protège ses droits. Et puis, c'est une expérience qui, pour l'élite, est un peu traumatisante. Et puis, on a une volonté réelle, même affirmée, écrite dans des documents, ainsi de suite, des affirmations dans les interviews, ainsi de suite. Là, vraiment des trucs là, vraiment très bien documentés que la classe, en fait, l'élite mondiale en général, l'élite financière, ainsi de suite, les banquiers internationaux, ils aimeraient retourner aux temps féodaux où 99% de la population est illettrée et puis ignorante. Beaucoup plus facile à contrôler. Beaucoup plus facile à contrôler un petit humain qui est ignorant et ne connaît rien que quelqu'un qui est connaissant, qui connaît son histoire, qui sait ce qui se passe. Ça devient effectivement très difficile, puis même des gens de l'élite ont commencé sur plusieurs tribunes à en parler publiquement. Même je parle de des gens qui influencent les politiques intérieures et étrangères de des nations comme les États-Unis, ainsi de suite, parle ouvertement que la population est de plus en plus difficile à manipuler parce qu'effectivement l'information circule, n'est plus sous leur contrôle. Ça, c'est très important. C'est le but des médias alternatifs. Et puis, c'est la conséquence aussi des médias alternatifs. Mais non seulement des... faut comprendre c'est quoi les médias alternatifs. C'est nous. C'est vous. C'est les gens, quoi. Alors, on s'informe soi-même. On arrête d'être des esclaves qui attendent d'être nourris par les médias traditionnels. Et cherchent la vérité par eux-mêmes. On veut vraiment savoir ce qui se passe. Alors, ça, c'est intéressant. Alors... ensuite, ben écoutez, là, on va parler un peu de ces guerres-là parce que ce qui se passe un peu en Syrie, ce qui a failli se passer, en tout cas, on a réussi à mettre ça en pause un peu pour le moment, mais il y a encore évidemment des poussées importantes qui vont être appliquées pour partir d'une façon détournée ou de front une guerre contre la Syrie / l'Iran. Et puis, ce sont... pas mal les mêmes acteurs qui sont derrière ça, même s'il y a des variantes quand même, là, il y a des nuances à faire, mais le cœur principal est quand même pas mal le même. Et puis vous avez une citation ici, puis ça vient, moi j'aime bien citer les choses qui viennent de la bouche même du loup, comme on dit, là. Alors ici c'est une citation de Ari Shavit du Haaretz News Service d'Israël, le 5 avril 2003. Très intéressant, un journal, un média israélien finalement. où on lit que la guerre en Irak a été conçue par 25 néoconservateurs qui, pour la plupart, étaient juifs et qui poussent le président Bush à changer le cours de l'histoire. Très intéressant. Alors, c'est le fun quand ça vient justement d'un média qui est israélien et juif. Et puis, à ce moment-là, ça devient un peu plus difficile de se faire pointer du doigt et de se faire accuser faussement pour détourner l'attention de la vérité d'être un antisémite ou ainsi de suite. Hein? Alors, voilà. Alors, effectivement, si vous allez voir sur même des références historiques, allez voir qui était au cœur de ces néoconservateurs et qui étaient ces gens qui ont finalement poussé pour que cette guerre en Irak devienne une réalité, une guerre qui a été partie avec finalement basé sur des mensonges totaux, d'armes de destruction massive et de tentatives de fabriquer ou se procurer des armes nucléaires, possible lien avec le 9-1-1. Alors, on se rend compte que la plupart de ces gens avaient des doubles nationalités, ou étaient double nationalité américaine-israélienne ou étaient juifs. Alors, c'est intéressant de savoir que effectivement, c'est un plan depuis longtemps. Surtout des sionistes, qui est une idéologie politique, il faut le dire quand même, qui planifient ce contrôle, cette domination, ce contrôle total, si on veut, cette suprématie sur le Moyen-Orient. Alors, ça fait longtemps qu'on a des plans en ce sens et puis qu'on manipule les différents événements pour qu'on en arrive finalement à affaiblir tous les voisins, les ennemis perçus d'Israël. Alors, ça fait longtemps, ça fait des décennies qu'on a prévu de scinder toutes, de faire éclater ces nations-là le long des différentes lignes sectaires, religieuses, ethniques, ainsi de suite. Et puis, c'est évidemment beaucoup plus facile de diviser l'homme que de l'unir. Et puis, malheureusement, dans plusieurs de ces contrées-là, comme en Syrie, comme dans différents pays aussi autour, avant qu'on intervienne militairement et puis on démolisse ces pays, régnait une relative, je dirais, paisible cohabitation des différentes ethnies, religions, ainsi de suite. Et puis, c'est en excitant ces gens-là, évidemment, avec bien souvent des agents externes, alors déguisés dans un sens ou dans un autre, et puis on fait sauter une bombe ici, puis c'est faussement blâmé sur un autre groupe ou une autre ethnie, ou ainsi de suite, et puis là, on crée des divisions, des tensions, des guerres, on affaiblit les pays de l'intérieur comme ça, et pour ça, c'est beaucoup plus facile à renverser. Alors, évidemment une stratégie qui est en place depuis longtemps, et puis qui fait ses preuves. C'est un peu, je parle de ça parce que c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé ensuite après contre d'autres nations qui sont autour et puis maintenant, ben évidemment, les pressions contre le Liban, la Syrie, puis l'Iran qui viennent particulièrement de tout ce gros lobby juif, AIPAC, JINSA, ainsi de suite. Vous allez voir plusieurs liens que je vais vous laisser sur les nouvelles internationales à cet effet pour tout documenter ce fait-là. Donc, il faut, c'est ça, et on dit, regarde, vous avez Sun Tzu qui disait « Ce qui est de la suprême importance dans une guerre est d'attaquer les stratégies de son ennemi. Hein? » Ensuite, la meilleure chose à faire, c'est de, en fait, troubler, si vous voulez, les alliances diplomatiques, et ensuite, la meilleure chose à faire, c'est d'attaquer son armée. Alors, c'est un peu ce qu'on fait. Hein? C'est, vous voyez, là, je veux dire, il faut reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Donc, vous avez une sorte de... Vous avez une autre citation ici qui parle de la Banque fédérale, la Federal Reserve aux États-Unis. On parle du crime des années 20. Puis vous allez voir que c'est un peu ces mêmes gens-là qui sont aussi derrière ces tensions-là, parce qu'ils profitent aussi de ces guerres-là, de ces commerces de la mort, parce que ces guerres-là sont faites évidemment sur le dos de la dette, Hein, on n'a pas d'argent pour mener ces gars-là, on doit l'emprunter. À qui? Ces banques internationaux qui se mettent encore plein d'argent dans les poches et qui gagnent à décider qui sera le vainqueur tout en faisant de l'argent en finançant pour acheter des armes, et ainsi de suite. Alors, il y a énormément de pression pour partir des guerres. D'ailleurs, ils avaient trouvé un article sur Global Research qui parle un peu de ça aussi, là, t'sais, qui parle du fait que, bon, il y a une pression énorme. En fait, c'est un article qui vient de What Really Happened. Désolé, c'est une erreur de ma part, là. C'est un commentaire du propriétaire du site de nouvelle qui parle justement que Obama est encore en train de pousser pour une attaque contre la Syrie puis l'Iran, malgré le fait qu'il n'y a pas de support, de soutien en fait des Nations Unies puis de l'OTAN et puis du peuple américain. Mais on dit que Obama est encore en train de pousser pour une attaque contre la Syrie, même si le monde sait que les affirmations comme quoi qu'Assad, Bachar al-Assad aurait gazé son propre peuple est de plus en plus vu et perçu effectivement comme étant de la grosse bullshit, désolé pour le mot, là, mais réellement là, comme vraiment un mensonge total. On n'a aucune preuve. Et que c'est aussi valable que les armes nucléaires et chimiques de Saddam Hussein. Hein, vous voyez, c'est le même pattern. Les gens commencent à un moment donné à apprendre. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on fasse pas mal d'argent avec ces conflits-là aussi. Hein. Il faut comprendre aussi qu'il y a le système bancaire international, des banquiers privés, qui est aussi un peu en jeu là-dedans, qui est beaucoup basé sur le dollar américain. Et de voir le dollar américain être snobé de plus en plus, dont la BRICS, cet amalgame de pays incluant la Chine, la Russie, le Brésil, l'Iran, et puis plusieurs autres pays de taille, là, avec des économies très importantes, qui vont faire des échanges commerciaux bilatéraux et multilatéraux entre eux, là, avec en fait leurs devises respectives, en dehors du dollar américain, ce qui vient évidemment beaucoup menacer cette emprise des banquiers internationaux sur le système financier mondial. Alors, le Federal Reserve System, c'est vraiment comme une mafia. Il faut comprendre que toute monnaie qui rentre en circulation entre en circulation, en fait, comme un prêt avec des intérêts. Et puis, les propriétaires privés de la Fed, en fait, ramassent un morceau de l'action, en fait, hein, un morceau de ce qui se passe dans tous les commerces qui se font avec des dollars américains. Avec des intérêts, évidemment. C'est pourquoi la nation est d'ailleurs en train de se noyer dans la dette. Parce que c'est un système bancaire privé, un scam, vraiment une arnaque totale, une escroquerie, qui est designée volontairement pour créer plus de dettes, en fait, qu'il n'existe d'argent en circulation. Okay? Donc, il n'y a pas assez d'argent en circulation pour payer même le montant total de toute la dette. Ça, c'est admis, là, c'est connu. OK? Alors, en réalité, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est ce que la Federal Reserve a fait au peuple américain après la Deuxième Guerre mondiale avec les accords de Bretton Woods et qui a finalement emprisonné le monde entier, si on veut, dans des échanges globaux et bancaires qui devaient se passer en dollars. Et tous ces dollars qui étaient en fait empruntés avec intérêt à la Federal Reserve. Et puis, en fait, aux propriétaires privés de la Fed, finalement, qui se trouvaient avoir la main dans toutes les actions, dans tout le commerce global qui, finalement, impliquait le dollar américain. Parce que, évidemment, qu'ils ont de l'intérêt, eux autres, qui run, en fait, là, qui courent sur tous ces billets qui sont en circulation. Fait que c'est comme la mafia, finalement, qui a la main un peu dans à peu près tout ce qui se passe autour, dans chaque business. Qui opèrent à l'intérieur de leur territoire. Hein? Donc, c'est important de comprendre ça aussi. Là, je veux dire, ça fait partie, il faut voir un peu la perspective de tout ça. C'est pour ça que, comme je disais, connaître les choses, c'est un peu aussi s'empêcher de tomber dans les panneaux où on ne fait que regarder localement ce qui se passe et puis on oublie la perspective complète du jeu qui se passe devant nos yeux, en fait, de la game, là, vous comprenez? Donc, là, on se trouve avec de plus en plus de nations qui ont commencé à s'éloigner du dollar Alors que ce même dollar américain perd de sa valeur réelle due à l'inflation, parce qu'on imprime de cet argent de façon complètement ahurissante. On double la masse monétaire à tous les 2-3 ans, comme c'est là. Vous avez vu des villes comme Détroit faire faillite, ainsi de suite. Alors, évidemment, que le dollar semble de moins en moins, est perçu comme étant de moins en moins, finalement, pratique, ou même sur de quoi on peut compter réellement. Et puis, en fait, la seule manière que la mafia, en fait, je veux dire, la Federal Reserve peut continuer à ramasser, à imposer leur, à ramasser leur jeton dans tous ces échanges-là, en fait, c'est d'envoyer leur briseur de jambes, qui se trouve à être l'armée américaine, donner des bonnes rinces, là, on va, un peu comme la mafia va faire briser des genoux, qui oserait finalement défier cette mafia, ou en fait ce cartel de banquiers privés qui contrôle la Federal Reserve et qui demande leur piece of the action, comme on dit, là, je veux dire, leur morceau de tous ces échanges-là, leur cote, comme on dit, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans d'autres mots, ce qu'on veut dire, c'est qu'on mène une guerre contre les nations qui refusent d'utiliser ce dollar. En fait, ce sont ces mêmes nations que Bush avait nommées comme étant les pays de l'axe du mal, hein? C'est quand même assez hallucinant. Ce sont ces nations qui refusent d'utiliser le dollar ou qui, finalement, ne se sont pas laissées embarquer dans des ententes ou quoi que ce soit avec le système bancaire global. Et puis, il est très à propos de rappeler à ce sujet que la Syrie ne doit pas aucun argent, n'est pas en dette en face envers le Fonds monétaire international, le FMI, ni la Banque mondiale. Très intéressant quand même à savoir. Alors, les États-Unis ont démontré ce fait en Irak. En 2002, Saddam Hussein avait obtenu la permission des Nations Unies de vendre son pétrole irakien en euros. Un an après, les États-Unis avaient envahi avec, évidemment, la pression et les manipulations du lobby israélien juif. À l'intérieur, comme on parlait, néoconservateurs, dont les 25 étaient juifs, quand même très intéressant. C'est très important. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de fausses informations comme par rapport aux armes de destruction massive qui venaient en fait d'Israël, ok, donc ça servait évidemment des intérêts multiples autant des États-Unis que d'Israël. Puis c'est le cas aussi de la Syrie, c'est que ça répond à plusieurs intérêts géopolitiques de différentes nations et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quand même complexe, il faut comprendre ce qui se passe. Mais le cœur du système est quand même le même, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on avait un an plus tard les États-Unis qui envahissaient, qui avaient lynché Saddam Hussein, et puis qui avaient finalement remis le pétrole irakien sur les marchés mondiaux, mais seulement en vente en dollars américains. Ensuite, on avait Kadhafi qui lui avait mis en place une nouvelle banque centrale en Libye, et qui voulait baser son argent, où c'était fait en dinar basé sur l'or, en fait, le dinar d'or, et avait annoncé que le pétrole libyen était en vente, mais seulement en cette monnaie. Il y avait des informations qui disaient que, en fait, on voulait aussi inciter le reste de l'Afrique à faire des échanges dans cette monnaie commune. J'ai vu certaines de mes sources mettre en question les sources de cette information. Mais écoutez, étant donné le fait qu'il y ait ça qui est indiscutable, là, qui est réellement là, qui est vraiment, qui s'est vraiment produite, c'est que les fameux supposés rebelles, là, ces gros mercenaires finalement qui sont des terroristes, là, des gens mal famés. Des gens armés jusqu'aux dents, là, des gens extrêmement violents, ainsi de suite, là, sont arrivés, qu'on a nommé finalement comme étant, si vous voulez, l'autorité en Libye, suite au renversement de Kadhafi. Ces gens-là sont comme arrivés, imaginez là, la gang de rue du coin, là, qui déjà ont de la misère à lire, sans jugement, là, négatif ou quoi que ce soit, ou préjugé, là. Je veux dire, c'est juste donner un exemple, là. Imaginez cette petite gang d'illettrés de Nuno, là, et puis qui arrive avec une charte d'une banque centrale déjà toute rédigée, Hein? Alors, ces gens-là ont fait ça en 2-3 semaines, ont rédigé une charte d'une banque centrale, ni plus ni moins, et puis ont créé une nouvelle banque centrale, et puis on a shippé de la nouvelle argent, puis tout remplacé ce que Kadhafi avait fait. Alors, c'est effectivement un fait très important qui nous indique qu'il se passait effectivement de quoi, là, que Kadhafi avait des plans pour créer ou mettre en place un genre de système monétaire un peu à l'extérieur du contrôle des banques privées basées à Londres et à Wall Street. Alors, non, non, non. Ça, là, c'est un no-no. Alors, on donne une bonne claque sur les doigts et puis on ne recommence pas. Alors, c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, ben c'est ça qu'on fait. Alors, on doit donner des démonstrations très claires de ce qui arrive aux nations qui refusent la mafia. En fait, ces banquiers privés internationaux, banquiers privés qui sont les propriétaires de la Fed aux États-Unis. Et toutes ces nations qui semblent vouloir s'éloigner du dollar. Alors, là, vous avez la Chine qui est maintenant des échanges commerciaux dans les monnaies respectives de ces nations-là avec 8 nations, alors qu'ils ne vont pas avec le dollar américain. Donc, ce sont les nations du BRIC qui ont d'ailleurs financé leur propre banque centrale, contrôlée par la BRIC, c'est pour faciliter les échanges et les investissements sans utiliser le dollar américain. Hein? Donc là, on délaisse le dollar. Ça a même été discuté lors du récent sommet du G20. Alors, évidemment qu'on n'en a pas trop parlé à l'écran des médias. On a détourné l'attention puisqu'on parlait des attaques imminentes contre la Syrie. Alors, on a vraiment délaissé le sujet. Alors, voilà ce qui est le vrai deal. Donc, lorsqu'on a des supporters d'Obama qui parlent à propos de maintenir la crédibilité du président avec une attaque en Syrie, on dit que le président doit maintenir sa crédibilité. On a remis en question sa crédibilité parce qu'il n'a pas parti en guerre contre la Syrie comme certains vont en guerre, l'auraient voulu. Alors, en réalité, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que en fait, ce que ça veut dire de maintenir la crédibilité des États-Unis, c'est en fait de maintenir la crédibilité d'une menace d'envahir, de détruire n'importe quelle nation qui refuse de payer la mafia, en fait, la Federal Reserve. Une cote sur tout leur échange commercial, vous comprenez? Donc, il y a des intérêts quand même assez importants comme ça, là. Donc, si le président ne peut pas avoir sa guerre avec la Syrie, alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment une multitude de nations qui délaissent le dollar américain. Et puis, on peut dire vraiment que le party là, va être vraiment terminé pour Wall Street, la mafia, en fait, la Fed. Et puis, il ne faut pas oublier aussi des gens là, de la cité de Londres. Mm-hmm. Alors, c'est un peu pourquoi Obama est encore en train de pousser pour une guerre avec la Syrie, contre la Syrie. Même si le reste du monde s'objecte à cette attaque de la Syrie militaire. Alors, mais bon, voilà, c'est un peu aussi pourquoi Obama continue de pousser pour cette guerre contre la Syrie, même si on voit que les mensonges à propos de Assad, qui aurait gazé son propre peuple, continuent de s'effondrer. Les mensonges s'accumulent et puis sont démasqués de plus en plus, et puis les gens ne croient pas ces trucs. Alors, avec raison aussi, parce qu'il n'y a aucune preuve. Donc, voilà. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est qu'Obama doit prouver que les États-Unis peuvent et vont envahir et conquérir n'importe quelle nation qui refuserait d'utiliser des dollars américains qui sont empruntés avec intérêt à ces fameux banquiers privés. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont quand même, n'est-ce pas? Alors, je vais vous laisser cette petite réflexion, d'ailleurs. En dessous d'un article qui s'appelle le Flashback, toutes les guerres sont des guerres des banquiers privés. Alors, quand même, c'est des trucs, il faut faire des liens, puis il faut savoir tirer des conséquences, et puis en fait, pas les conséquences, mais les conclusions, il faut synthétiser, il faut savoir vraiment tirer des enseignements, là, quand même. Donc, ça, vous allez trouver ça sur les nouvelles internationales dès que j'aurai le temps de vous mettre ça en place. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, site, vous allez trouver un autre petit article sur le 911. Je vous avais parlé un peu de ça la semaine passée. Alors, on cherche à faire sortir la vérité. On sait qu'on n'a pas eu toute la vérité à propos de ce qui s'est réellement passé lors de cet événement. Et puis là, saviez-vous qu'il y a plus de 3000 gouvernements, des officiels du gouvernement respectés, des professeurs, des officiers militaires, des architectes, des ingénieurs qui sont allés publiquement questionner puis poser de sérieuses questions à propos de l'histoire officielle concernant le 11 septembre 2001. Alors, vous avez un nombre ici, une liste de ces gens de très courageux, des individus qui ont risqué même le ridicule pour poser des questions publiquement et puis appeler pour des nouvelles enquêtes sur 911 basées sur une abondance de solides évidences que l'histoire officielle a tragiquement ignoré. Alors, vous avez tous les liens pour vérifier ça. Vous avez plus de 1500 architectes et ingénieurs, 400 professeurs, 400 professionnels médicaux. Vous avez 300 des survivants puis des membres des familles des survivants du 911, 250 pilotes et professionnels de l'aviation, 200 artistes, des gens qui sont des professionnels des médias, ainsi de suite, 200 officiels du gouvernement, du renseignement et militaires aussi. Donc, vous allez trouver des liens de 50 officiers militaires seniors du renseignement, comme je disais, des officiels qui ont posé des questions. Donc, vous avez toutes sortes de liens là, fort intéressants. Là. Vous allez voir que quand même, là, il y a des gens sérieux là, qui mettent toute leur crédibilité et leur carrière même en jeu en s'affichant publiquement comme ça, en disant, écoutez, là, ça n'a aucun sens, selon les connaissances, mon expertise, là, je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Un autre article qui témoigne un peu de ça, c'est quand même assez intéressant. Ici, on parle un ancien employé de CNN qui a révélé que CNN est payé par des gouvernements étrangers pour produire du contenu déguisé comme étant des nouvelles. C'est ça. Ça, c'est les médias. Donc, je vous ai laissé une petite nouvelle à propos de ça. Et puis, jugement intéressant, c'est le juge Richard Posner du U.S. 7th Circuit Court of Appeals a rendu un jugement comme quoi de mettre en lien, tu sais, comme quand vous avez ces liens pour imbriquer une vidéo dans un site internet ou ainsi de suite là. En fait, on appelle ça du embedding là. Le fait de mettre ça sur un autre site, une vidéo là qui contiendrait en fait du matériel qui enfreignerait la loi sur les droits d'auteur n'est pas illégal. Alors une cour rendu un jugement dans ce sens. Alors je trouve ça intéressant de vous laisser ça. Donc écoutez, on va faire une petite pause musicale ici, on est dû pour ça. Et puis après ça, on va revenir avant de poursuivre plus en détail avec la série puis d'autres nouvelles. Là, je voulais faire un petit détour pour parler des solides évidences de. En fait, on essaie de supprimer en fait des nouvelles technologies concernant le domaine de l'énergie. Alors, j'ai reçu ici là par courriel un site que je t'ai abonné, un article fort intéressant où on laisse un paquet de liens là, pour vous à explorer. Malheureusement, c'est en anglais, mais quand même, il faut commencer à quelque part. Là. Écoutez, là, c'est fort intéressant parce qu'on discute là d'une panoplie de nouvelles technologies utilisant de la nouvelle énergie, si on veut, et puis aussi de voir à quel point on. Vous avez ce lobby des vieilles énergies de merde là, qui polluent et tout, ça fait longtemps qu'on aurait dû dépasser, qui continue finalement de garder son emprise sur notre futur, qui devrait être notre présent maintenant même. C'est un peu comme si on se prenait encore à cheval, là, réellement, là, ça n'a aucun sens. Donc, on fait une petite pause musicale, mais on va revenir avec cette petite portion quand même intéressante là, de stimulation là, de la pensée, parce qu'il n'y a pas juste des affaires des affaires sombres et difficiles là, qui se passent. Là. Il y a des trucs quand même très intéressants. Alors je vais vous parler de ça dès le retour de la pause. Thank you. Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième portion d'émission. Nous allons discuter d'un sujet fort intéressant aussi, là, pour faire une parenthèse. Alors, nous allons parler de ces nouvelles technologies concernant l'énergie. Et puis, vous allez voir qu'il y a des trucs quand même importants là, à porter à votre attention. On parle ici de solide évidence là, pour supprimer, si vous voulez, vos connaissances par rapport à des nouvelles technologies concernant l'énergie, des nouvelles sources d'énergie. Vous avez le USA Today qui citait le 7 du 8 2013 que la moyenne d'économie, des taux d'économie d'essence pour les nouvelles voitures et les camions vendus en juin 2013 était de 24,7 000 par gallon. Alors évidemment qu'on parle là, des unités américaines. Et puis, ensuite, on apprenait par le Detroit News, le 6 du 4 2003, que le modèle T de Ford, vous savez, ce modèle historique, le modèle T de Ford, faisait 25 000 par gallon. C'était quand même assez particulier, là, quand on peut dire que finalement, que le modèle T de Ford était plus efficace au niveau de la combustion du pétrole que le Ford Explorer courant aujourd'hui de 2013, qui est un véhicule qui est vendu couramment sur le marché, qui ne fait que 16 000 par gallon. Imaginez, quand même assez hallucinant, là. Il faut dire aussi que on parle de la Prius. On dit qu'elle est en fait le premier départ significatif du moteur à combustion qui finalement a été légende dans toute l'industrie automobile depuis que Henry Ford a inventé le modèle T en 1908. Il était rapporté par le journal Newsweek en 2004. Alors, c'est quand même des réflexions intéressantes. Donc, c'est un peu une introduction à un article qui, finalement, dit que, dans le fond, quand on compare les avancées technologiques dans différents champs sur la période des 50 à 100 dernières années, on remarque de quoi de fort intéressant quand, après ça, on compare ça avec le domaine de l'énergie. Hein, on peut, par contre, par exemple, regarder dans les communications, on est allé du téléphone de base, là, il y a 50 ans, à des sortes de machines, des fax, la messagerie instantanée, les téléphones sans fil, avec des caméras, GPS, puis tout, là, vous savez comment que c'est rendu maintenant, là, les téléphones. Là. Il y a juste 50 ans, les ordinateurs étaient des monstres énormes valant des multimillions de dollars et n'étaient capables que de problèmes mathématiques très rudimentaires. Et puis aujourd'hui, écoutez, un portable même les PlayStation, on appelle les consoles de jeu, peuvent performer des fonctions qui sont littéralement des millions de temps plus rapides et plus complexes que leurs ancêtres, en fait. Alors, peuvent se connecter à l'Internet, ainsi de suite. Dans la science des matériaux et de l'ingénierie, écoutez, c'est la même affaire. Là, on est allé de la période du métal avec des plastiques sophistiqués, la fibre optique, la nanotechnologie, ainsi de suite. Donc, vous avez vu des avancées fantastiques, la télévision, les films, l'air conditionné, radar, toutes ces affaires-là en astronomie, en biologie, en médecine, en agriculture, en génétique, en électronique, à peu près dans tous les autres champs d'application là qu'on peut penser, en seulement quelques générations, on a fait des avancées là d'années-lumière là, autant dans la connaissance que les applications de ce qui était disponible il y a 100 ans ou même moins 50 ans. Puis maintenant, considérez les régions de l'énergie, du transport, du pétrole, l'automobile, de ces industries qui y sont rattachées en particulier. Vous allez voir que les progrès technologiques dans ces domaines-là finalement, sont absolument catastrophiques, là. Je veux dire, ça a quasiment même pas avancé. On dit que ça a avancé à une vitesse d'escargot, là, je veux dire, comparé à tout ce qu'on a mentionné précédemment. On dit que la plupart des voitures et des camions utilisent encore le même système de combustion interne dans leur moteur que le modèle T de Henry Ford avait créé en 1908, il y a plus de 100 ans. Imaginez, là, c'est hallucinant. Quand on dit que le modèle T faisait 25 000 par gallon en 1908, alors que on parle de l'économie d'essence moyenne en 2013, selon la EPA aux États-Unis, était de 24,7 000 au gallon. Aïe aïe! Alors, on n'a même pas amélioré on n'a même pas rien amélioré de la consommation de nos voitures en 100 ans. Voyons donc, là. C'est un peu comme si, lorsqu'on parlait d'énergie, la plupart du monde dépendait encore largement sur des matériaux largement polluants comme le charbon, le pétrole, des trucs finalement qui ne se sont pas améliorés depuis 100 ans, mais pas du tout, là. Comment ça se fait qu'on a eu des changements aussi dramatiques, quasiment miraculeux, des avancées miraculeuses dans à peu près tous ces champs d'application, alors que dans le secteur de l'énergie, les secteurs du transport, on a fait si peu de progrès? Ça se peut-tu que, en fait, l'avarice, le désir pour le contrôle politique et économique par une élite puissante, une élite mondiale, dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission, ont gardé, si vous voulez, ces secteurs d'activité extrêmement riches au niveau des profits, donc on parle de l'énergie et des transports, de se développer aussi rapidement que s'ils avaient été dans un climat ouvert et libre. Alors, réellement, on empêche, on voit le gros argent, si on veut, et puis l'appareil politique, en fait, supprimer ces percées technologiques. Alors, on dit que des inventeurs, des génies pendant les 100 dernières années ont fait des découvertes remarquables. Même aussi dans le domaine de l'énergie, en fait, des sources d'énergie qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins polluantes, même des sources d'énergie libres. Et puis, en fait, pour seulement trouver leur invention soit supprimée ou simplement qu'ils ne reçoivent aucune attention, aucun financement, aucun support. Alors, ça, c'est arrivé tellement souvent dans toutes les nations, même à faire ici au Québec. Et on parle de Tesla qui transmettait de l'électricité à travers les airs, en fait, d'électricité qui aurait pu être développée et puis étendue au reste du monde. Alors qu'on sait qu'il était supporté par JP Morgan, alors qu'il a retiré son financement lorsqu'il a fait le commentaire classique que si en fait tout le monde peut tirer leur énergie de nulle part finalement, aussi qu'on va mettre un meter, vous me prenez, un compteur. Alors, c'est un peu ça. Donc, là, vous avez une série d'articles ici. Ça vient de Want to Know, là, vraiment intéressant comme site. Et puis, vous avez une multitude d'articles là, qui parlent de ça, de nouvelles technologies fort intéressantes. On parle ici de Toyota, de son RAV4 EV électrifiant. Alors, un article qui a été écrit au mois de mars 2013 dans le San Francisco Chronicles. Alors, on dit qu'il existe, un camion qu'on peut seulement acheter en Californie. Et puis Toyota n'en parle pas trop dans les annonces, les commerciaux, ainsi de suite. Et puis on dit qu'on en a construit que 2600. Mais il se trouve que, en fait, on se trouve à vendre des autos qui sont des zéro pollution, carrément, là, je veux dire. Donc, là, vous avez cet article fort intéressant qui parle de ça. Vous avez ici au Brésil, des voitures qui fonctionnent avec de l'alcool. Là, on en a plus de 2 millions sur le marché. C'est quand même assez intéressant. Là, on voit que ça se propage de plus en plus. Ensuite, Toyota qui a aboli un nouveau record, mis en place un nouveau record, si on veut, sur l'économie d'essence. Donc, ensuite, une voiture ici qui atteint le 10 000 par gallon. Alors, une nouvelle de BBC News. Alors, il faut traduire ça évidemment là en kilomètres pour avoir l'équivalent. On dit que l'équipe de Microjoule, qu'ils s'appellent, l'ont en fait fait rouler une voiture l'équivalent de 9 845 000 par gallon. Alors, c'est quand même assez intéressant comme truc, là. Alors, vous voyez que ça fait quand même pas mal de kilomètres, là, on s'entend, là. 1,6 km, donc pas loin de 1 600 km. Avec un gallon de pétrole, imaginez si on avait des voitures qui fonctionnaient de cette façon-là, peut-être qu'on arrêterait de dépenser autant d'argent dans l'essence. On pourrait peut-être faire d'autres choses de nos vies, me semble. Des articles fort intéressants qui parlent de ce qu'on peut faire, des trucs qui sont possibles. Alors ensuite aussi des articles qui parlent de bon un peu de ces gens-là qui maintiennent leur contrôle. Alors vous allez voir les raffineries ici qui maintiennent une main ferme et légale sur en fait sur l'offre de l'énergie. Ça, on a souvent entendu parler de ça dans les médias alternatifs, mais très peu dans les médias traditionnels. Il n'y a pas vraiment de pénurie de pétrole, mais en fait, il y a une pénurie de raffinerie de pétrole. Et puis, on maintient en fait ce nombre de raffineries, de nombre de pétrole qui atteint le marché, des chiffres très bas pour maintenir une apparente rareté qui est loin d'être reflétée, de refléter la réalité. Donc, vous allez voir des manipulations intéressantes. Ça, on en parlait dans un journal qui s'appelle le Los Angeles Times. Ça a été écrit, ça a paru le 18 juin 2005. Alors, vous voyez, des articles fort intéressants ici à aller consulter. On parle de Enron ici. Bon, quand même, on a entendu parler de ça. Des chercheurs qui mettent le feu à de l'eau salée. Alors, ben oui, vous voyez, ils arrivent à extraire de l'énergie de ça. Donc, voilà, un article fort intéressant. Donc, c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Il faut quand même regarder ça. Il faut aussi non seulement comprendre ce qui se passe dans l'actualité mondiale, comprendre dans quel monde on vit, comprendre le système dans lequel on vit, mais aussi il faut non seulement focusser là-dessus, comprendre ça, mais en fait aussi ne pas se laisser emballer, puis comprendre qu'il y a une poussée énorme en ce moment pour se rappeler, pour prendre conscience, pour s'orienter vers une renaissance à de multiples niveaux pour toute l'humanité en entier. Là, réellement, on est en train de passer à d'autres choses sans savoir là, ou consciemment, mais c'est en train de se produire, chers auditeurs. Donc, gardez espoir réellement. Là. Il y a des belles choses à venir. Donc, voilà, on va faire une autre pause musicale, nous, là. Et puis, on va, après ça, poursuivre avec d'autres informations d'actualité mondiale et de la Syrie en particulier, d'autres trucs comme ça. À bientôt. Ok, nous sommes de retour, François Marginot au micro. Alors, on finit avec le dernier volet rapidement. Il nous reste reste plus grand temps pour l'émission de cette semaine. Alors, je vais vous terminer ça en beauté, là, en vous référant à différents articles là, qui vont probablement apporter à votre réflexion sur ce qui se passe un peu au Moyen-Orient, particulièrement la Syrie. On parlait un peu là du facteur banquier, économie, slash là, les marchands de la mort qui profitent de ça, autant là, je parle des manufacturiers d'armement que ceux qui financent les guerres et à grands coûts de dettes et d'argent emprunté avec intérêt. Donc, j'ai dit les banquiers internationaux, ainsi de suite. Donc, vous avez un article que je vais évidemment vous laisser sur les nouvelles internationales concernant toutes sortes d'affaires là, par rapport aux attaques chimiques là, à Ghouta, que finalement ce sont les rebelles syriens qui avaient du gaz sarin, ainsi de suite, des gaz chimiques qui leur ont été fournis par différents acteurs, ainsi de suite. Donc vous allez trouver beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de nouvelles parlant des pressions qui sont faites des réseaux de support israélien, ainsi de suite. Donc vous allez évidemment le trouver là, une panoplie d'informations, mais je voulais porter particulièrement votre attention sur certains trucs dont le fait que effectivement ces guerres-là, ça profite à certains personnages très peu scrupuleux. Et puis vous allez voir un peu la dichotomie avec certains articles, particulièrement ici qui a été écrit dans le Washington Post, où on parle d'une guerre que le Pentagone ne veut pas quand même, écrit le 5 septembre 2013 dans le Washington Post. Ça a été écrit par Robert H. Skells, un général de l'armée américaine à la retraite et ancien commandant du U.S. Army War College. Alors, quand même assez imposant comme personnage, là. Et puis, lui, il parle que, finalement, il y a des gens comme Dempsey, chairman de la Joint Chiefs of Staff, qui ne veut pas une guerre en Syrie. On dit que ses mots, en fait, à couvert un peu, reflètent l'opinion de la plupart des leaders militaires qui sont en service, qu'ils sont embarrassés d'être associés avec de l'amateurisme de l'administration d'Obama, qui essaye, en fait, de mettre en place un plan pour faire de tout ça une entreprise qui fait du sens. En fait, on essaie d'expliquer ça, de faire comprendre ça au peuple américain. Ça ne fait absolument aucun sens. Alors, évidemment que c'est important de mentionner qu'il y a plusieurs personnages, évidemment, des gens de service militaire qui comprennent très bien que ces gens-là qui décident de partir ces guerres sont bien souvent des gens qui n'ont jamais en fait mis les pieds dans les rangs militaires ou ne se sont jamais pointé le nez sur un vrai théâtre de guerre, dans une vraie guerre. Voilà, c'est la vraie horreur d'une guerre. Et savent très bien que d'être envoyé comme ça au front pour des raisons complètement imbéciles, là, sous aucune preuve, ça rien que ce soit, ce sont des fabrications totales avec des faux motifs réellement, là. Alors, ces gens-là n'ont pas le goût d'aller mourir et de se faire amputer, ainsi de suite, pour des amateurs d'imbéciles comme ça, c'est bien certain. En fait, tous ceux qui voudraient partir en guerre contre la Syrie, dans le fond, on devrait juste leur donner là un bon fusil, des rations de nourriture, et puis leur souhaiter une bonne chance là avec un billet d'avion, puis d'aller se battre au front, là. Réellement, là, s'ils veulent une guerre, bien, qu'ils y aillent eux-mêmes. Hein. C'est quand même assez étrange que tous ces gens qui déclarent des guerres, qui partent des guerres comme ça, qui, disons-le, sont en dehors du droit international, ainsi de suite, sont des gens qui, finalement, n'ont aucun membre de leur famille dans les rangs de l'armée. Alors, c'est assez particulier. Hein. C'est ça. On envoie les enfants des autres se faire tuer dans nos guerres qui sont, finalement, des guerres, bien souvent, pour des motifs bien différents de protéger la population ou quoi que ce soit. Fort intéressant ici. Ce dont je voulais parler, c'est qu'il y avait cet aspect économique, et puis il y avait effectivement des articles qui étaient parus il n'y a pas si longtemps, là, une semaine ou deux, dans les médias, et on parlait ici de la paix avec la Syrie qui pourrait faire tomber l'économie américaine, faire crasher l'économie américaine. Alors ça a été dit, imaginez, par l'ancien chef économiste de la U.S. International Trade Commission. Alors, c'est quand même pas des sans-dessins encore là, des nonos. C'est peut-être des nonos, mais ce sont pas des gens qui, finalement, sont issus de nulle part. Là. C'est quand même des gens qui ont une influence importante. Et ce personnage s'appelle Peter Morrissey. ou Morici, je vois comment il prononce là. Et puis là, ben finalement, lui, il argumente que l'échec d'attaquer la Syrie, en fait, le fait de ne pas attaquer la Syrie, va détruire l'économie américaine. Alors, vous voyez des personnages assez quand même crapuleux comme ça, vraiment sans vergogne, des psychopathes, on pourrait dire, qui proposent ni plus ni moins, vraiment, en d'autres mots, de finalement tuer une bonne quantité de personnes là, hein, pour balancer les livres financiers. Hein? Donc ça va sécuriser finalement la réputation des États-Unis comme étant un champion des droits humains. Hein? Ben oui, c'est fantastique. Alors voilà. Il faudrait peut-être ne pas oublier que c'est un mythe que les guerres sont bonnes pour l'économie. En fait, oui, évidemment, beaucoup d'argent qui se met à circuler pour payer cette guerre, mais il faut comprendre que ce sont en général, sinon tout, de l'argent emprunté. Emprunter avec des intérêts de qui? De banquiers centraux privés, hein? Encore ces mêmes personnages, et que la prospérité d'un temps de guerre, en fait, est une illusion qui est payée ensuite pendant des décennies, et puis parce que évidemment, ben, toute la reste de la population doit payer, faire des paiements avec intérêt sur cet argent qui a été emprunté. N'est-ce pas? Alors, vous avez cet article qui a été d'ailleurs publié un peu partout, même sur Yahoo Finance, où on parlait de cette hésitation de la frappe contre la Syrie qui pourrait menacer la reprise économique aux États-Unis. Alors, c'était un autre article qui parlait de la même affaire, là, de cet économiste et professeur à la Smith School of Business, University of Maryland, qui s'appelle Peter Morici. Donc, c'est quand même assez hallucinant, là. Il faut comprendre là que pour ceux encore qui avaient encore des doutes là que ces guerres sont vraiment menées pour les banquiers, en fait, il faut comprendre là que des articles comme ça là aident à disperser tous ces doutes. Hein? C'est quand même assez particulier là. Alors, c'est pas mal dans votre face. Alors, vous voyez des gens comme cet auteur et puis multiples personnages, Peter G. Morici de Alexandria, Virginia, est prêt, même désire ardemment. Finalement transiger du pétrole pour de l'argent, hein? Donc sur la théorie que les guerres sont bonnes pour l'économie. Bon, donc quand même assez particulier comme truc là. Ensuite, je voulais vous parler de cette hypocrisie vraiment éhontée, là, vraiment frappante, là, de l'hypocrisie américaine par rapport aux armes chimiques. Alors, vous avez aussi différents articles, dont un ici publié sur Washington Blog, où on parle que les États-Unis ont de façon répétée violé cette ligne rouge sur l'utilisation des armes chimiques. En fait, les États-Unis ont encouragé Saddam Hussein à utiliser des armes chimiques contre l'Iran durant la guerre Iran-Irak qui a duré des années. En plus, on comprend que la plus importante quantité de l'utilisation de ces armes chimiques de l'histoire, hein, ça a été la plus importante utilisation d'armes chimiques de l'histoire. Des attaques qui ont tué, en fait, vous voyez, là, on parle ici entre 300 et 1429 personnes. On parle de ces attaques là, du 21 août, là, alors que 20 000 Iraniens et 5 000 Kurdes ont été tués par les armes chimiques de Saddam Hussein ou en fait de l'Iran, parce qu'il y a vraiment là aussi une polémique là, par rapport à ça, parce que c'est pas nécessairement Saddam Hussein qui s'en est servi aussi seulement. Là, il y a eu de la manipulation d'informations par rapport à ça aussi, mais bref, vous voyez, là, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. Ensuite, il faut pas oublier non plus différents faits très importants. Écoutez, l'armée américaine a largué 80 millions de litres de produits chimiques sur le Vietnam en 1962 et 1971. Quand même, hein? Donc, ben oui, c'est policiers moraux qui s'insurgent contre l'utilisation d'armes chimiques en Syrie qui, en fait, le blâment de façon non prouvée et honté sur le gouvernement syrien, alors qu'il y a toutes les raisons logiques de croire que, en fait, c'est l'utilisation d'un autre probablement parti, comme les rebelles, mercenaires Al-Qaïda affiliés avec les États-Unis et puis Israël, qui auraient fait l'utilisation de tout ça pour blâmer faussement le gouvernement d'Assad. Donc voilà, quand même, on faut parler là que le Vietnam estime que le résultat de ces 10 années d'attaques chimiques, quelques 400 000 personnes furent tuées ou handicapées, 500 000 bébés sont nés avec des déformités, plus de 2 millions de personnes ont souffert de cancer et autres maladies induites par le contact avec des substances chimiques. En 2012, la Croix-Rouge internationale a estimé que 1 million de personnes au Vietnam ont des infirmités ou des problèmes de santé directement liés à leur exposition à l'agent orange. Bon, Israël a attaqué des civils palestiniens avec du phosphore blanc blanc en 2008-2009. Alors, on s'en rappelle de ça. Le phosphore blanc qui est une horrible arme chimique incendiaire qui brûle la chair humaine jusqu'à l'os. En 2009, là, il y a des photos de ça. Allez voir ça. Là. Je veux dire, c'est domaine public. Là. Il n'y a pas de cachette là, là-dessus. Là. Alors, 2009, de multiples groupes humanitaires, incluant Human Rights Watch, Amnesty International, la Croix-Rouge internationale, ont rapporté que le gouvernement israélien attaquait des civils, les civils, de leur propre pays, avec des armes chimiques. Une équipe d'Amnesty International a déclaré avoir trouvé des preuves indiscutables de l'utilisation étendue du phosphore blanc dans les zones de population civile très dense. L'armée israélienne a commencé par nier les accusations, puis a reconnu que cela était vrai. Donc, voyez-vous, après cette corde d'accusation faite par ces ONG, l'armée israélienne attaqua même le quartier général de l'ONU à Gaza avec une arme chimique. Comment voyez-vous toutes ces preuves et faits avérés contre le cas de la Syrie? Réellement, pourquoi Obama n'a-t-il pas essayé de bombarder Israël? Question. 3. Washington, d'accord, ça c'est un article fort intéressant que vous allez retrouver à différents endroits qui a été traduit aussi en français pour vous sur, encore là, le site de Alter Info qui s'appelle 10 attaques aux armes chimiques dont Washington ne veut pas que vous parliez. Hein? Donc, c'est quand même très important d'être au courant de ces choses-là. Washington a attaqué des civils irakiens avec du phosphore blanc en 2004 à Fallujah. Ben oui, contre des insurgents irakiens. Bon, alors, ça a été assez atroce. Là. On a vu des vidéos, des photos horribles. Okay, avec des témoins oculaires de la ville de Fallujah, des soldats américains révélant comment le gouvernement américain arrosa de manière indiscriminée le feu blanc chimique sur la ville irakienne et fit fondre femmes et enfants, réellement, littéralement. Là. La CIA a aidé Saddam Hussein à massacrer des Iraniens avec et des Kurdes avec des armes chimiques en 1988. Ben oui, des archives de la CIA, on parle même de Donald Rumsfeld et elle a serré la main de Saddam Hussein alors qu'on lui vendait des armes chimiques. Là, on est fiers de ça. Prouve maintenant que Washington savait que Saddam Hussein utilisait, non seulement savait, mais il leur vendait des armes chimiques, incluant le neurotoxique sarin et le gaz moutarde hyperite. Alors, dans la guerre Iran-Irak, il continue à l'abreuver l'armée irakienne de renseignements sur les mouvements des troupes iraniennes. De troupes iraniennes, sachant pertinemment que ces informations seraient utilisées pour l'utilisation d'armes chimiques. Ben ouais. Donc, c'est quand même assez intense. Ensuite, l'armée américaine a testé des produits chimiques sur des résidents de banlieue pauvre de la ville de Saint-Louis, à l'intérieur même des États-Unis, dans les années 50. Ben ouais. Alors, allez voir ça. La police tire des gaz lacrymogènes sur les manifestants du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Mm-hmm. Le FBI a attaqué hommes, enfants et femmes avec des armes chimiques lors du siège de Waco en 2013. Effectivement attaqué ces bâtiments utilisés massivement de la part du FBI et puis de d'autres corps qui étaient là, des gaz lacrymogènes dans des bâtiments, sachant pertinemment que des femmes, des enfants et des nourrissons s'y trouvaient. Ce gaz était hautement inflammable et le feu s'y est mis, embrasant les bâtiments et brûlant vif 49 femmes et hommes et 27 enfants, incluant des bébés. Ben ouais, rappelez-vous, attaquer des soldats ennemis avec des gaz lacrymogènes est un crime de guerre. Quel genre de crime est-ce que d'attaquer des bébés avec des lacrymogènes? Alors, pensez à ça. L'armée américaine a couvert l'Irak avec de l'uranium appauvri toxique en 2003, continue de le faire jusqu'à aujourd'hui, même dans des pays comme en Libye, en Afghanistan, au Yémen, en Somalie, dans tous ces pays jusqu'au Pakistan. L'armée américaine a tué des... Ça, c'est radioactif là, pour des milliers d'années, là, des millions d'années, en fait, des milliards d'années, OK? Ben oui. Ça, c'est... Ça fait en fait que, écoutez, des gens, même des soldats américains, donnent naissance à des bébés avec des graves anormalités. Toutes sortes d'affaires hallucinantement horribles à voir. Là. 9. L'armée américaine a tué des centaines de milliers de civils japonais avec du napalm entre 1944 et 1945. Fort intéressant comme comportement. 10. Le gouvernement américain a largué deux bombes nucléaires sur deux villes japonaises en 1945. Parle-moi d'utilisation d'armes de destruction massive. Bon, alors quand même, alors faut pas faire trop les hypocrites à un moment donné, là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il faut avoir ça en tête, là, chers auditeurs. Il faut avoir ça en tête. Là. C'est des choses quand même importantes là, quand on se dit les gendarmes internationaux là, de ces trucs-là. Je veux dire, à un moment donné, là, il faudrait peut-être commencer à développer une certaine conscience, là, puis peut-être rentrer au barcage, se fermer à la gueule. T'sais? Fait que vous allez trouver plusieurs articles dans ce sens-là qui vont documenter ces choses-là. C'est quand même très important, là. Vous allez voir des sites internet de plusieurs soldats américains qui posent avec leur leur uniforme et se cachent le visage avec un papier sur lequel ils ont écrit qu'ils n'avaient pas joint le corps des Marines pour aller combattre pour l'Al-Qaïda dans un conflit civil syrien, dans une guerre civile syrienne. Alors, vous avez plusieurs soldats américains qui ont affiché leur tronche comme ça, cachée, mais vous voyez, tout en habit de service, et puis qu'il y a beaucoup de soldats américains. Je vous parle de ça parce que c'est pas tout des sans dessins, c'est pas tout des caves. Plusieurs de ces gens-là savent très bien que ça n'a aucun sens. Donc, il n'y a évidemment aucune évidence réellement là que la Syrie n'a utilisé des armes chimiques là, réellement. Il y a quand même ces ententes qui ont été faites en fait Syrie, l'ONU, la résolution 2118 qui a été passée très récemment, début de semaine. Et puis là, on se dit qu'on va finalement tout faire en sorte pour enlever, éliminer toutes les armes chimiques de la Syrie. Ça pourrait faire un peu annuler pour le moment les frappes militaires. Très bien. C'est quand même ça de gagner déjà. On va servir ça de pression diplomatique dans les négociations, purifier le territoire syrien de tous les déviants partis, combattre un État laïque où coexistent des citoyens et de toutes religions et croyances. Ce nouveau objectif qui a abouti à l'accord de Genève du 14 septembre 2013 entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie et des États-Unis. Là, c'est intéressant dans le sens où, d'une certaine manière, là, on a remporté un peu une victoire ici, là, parce que on parle de désarmer non seulement le gouvernement syrien, mais réellement tout parti impliqué dans ce conflit en Syrie de toute arme chimique. Alors, quand même, assez intéressant comme truc. Ça, c'est quand même on parle d'une manœuvre diplomatique assez astucieuse de Vladimir Poutine. Sans jamais admettre que la Syrie et les Syriens se battent depuis deux longues années et demie, d'abord et avant tout, pour leur identité contre des zombies de destruction massive toujours nourris par les États-Unis. Et leur dernier allié occidental, plus royaliste que le roi. Alors, ça, c'est, écoutez, une citation ici que vous avez trouvée dans un excellent article sur mondialisation.ca. On dit que la résolution 2118 adoptée par le Conseil de sécurité pour le démantèlement et la destruction des armes chimiques en Syrie restera une étape importante et décisive, témoignant de la transition vers un nouvel ordre mondial. Mais peut-être il faut prendre attention dans quel sens il s'est exprimé. La résolution des trois décennies précédentes, ce 27 septembre 2013, ayant été d'une toute autre nature. Donc, vous avez un article ici qui parle un peu de ça, là. Des enjeux, ainsi de suite. Alors, on dit qu'on va finalement essayer de désamorcer la situation de façon politique et pacifique. Donc, on a des clauses qui méritent la prudence. Vous avez un peu là une discussion de ça dans cet article intéressant. La résolution 2118 est venue contredire le cliché étant donné qu'elle appelle par la lettre et l'esprit à travailler avec la gouvernance légitime actuelle de la Syrie, mettre en échec les tentatives américaines innocentant les crimes des gangs armés sévissant sur son territoire, équilibre le discours des organisations et des États agresseurs, lesquels sont désormais comptables de toute tentative d'exploitation de livraison d'armes chimiques aux prétendus rebelles. Le paragraphe 5 de la résolution est plus que clair. On dit, entre guillemets, aucune des parties syriennes ne doit employer, mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir ou transférer des armes chimiques. Alors, ça, c'est intéressant. On dit que ça renverse le cliché comme quoi l'État syrien était, selon tout le monde, le responsable de tout le sang versé là-bas. Alors, écoutez, on commence à parler un peu plus là, de cette fameuse... ces gens qu'on a nommés le Conseil national syrien, coalition, ainsi de suite. On essaie de les faire passer comme étant finalement la nouvelle autorité, mais là, ça échoue. Alors, il y a des trucs qui sont bons là-dedans, là, quand même, là. Alors, écoutez, je vais vous laisser lire cet article, comme je vous disais, là, vous allez y trouver plusieurs trucs, là. On dirait qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis contrôlent toujours le secrétariat général des Nations Unies et son secrétaire général en particulier. Donc, il n'est pas exclu qu'ils tentent de biaiser certaines clauses de la résolution pour faire dérailler le processus de désarmement à leur avantage. Cela n'a certainement pas échappé à M. Bachar al-Jafari qui a déclaré que la résolution couvre la plupart des préoccupations de la Syrie. On dit la plupart, en fait. En effet, certains points de détail nous paraissent mériter prudence. Fait que j'ai commencé à vous en parler. Donc, on dit les États membres étaient engagés à contrôler et donc à rendre compte de leurs observations concernant l'application des résolutions. Certains plus enclins aux calomnies que d'autres. Il serait plus prudent de constituer un comité international de surveillance des calomniateurs. Alors, bon, on se fait un truc comme ça. Alors, je vous invite à prendre connaissance de cet article. Il y en a un autre ici, toujours sur le site mondialisation.ca, qui vient de Alex Lantier, en réalité, qui parle « Le Conseil de sécurité de l'ONU soutient l'accord américano-russe sur le désarmement chimique de la Syrie. » Alors, on parle de ces 5 membres permanents du Conseil de la sécurité de l'ONU qui ont approuvé une résolution négociée entre les États-Unis et la Russie posant les bases d'une destruction du programme d'armes chimiques de la Syrie. Bon, on résume un peu la situation ici. Là, si vous aviez besoin de comprendre un peu mieux ce qui se passe là-dedans, alors je vais vous laisser aussi découvrir cet article. Mais finalement, c'est ça, c'est que ça permet en fait de mettre une certaine pause là-dedans, là, dans ce rush de vouloir se précipiter dans une aventure militaire. Le gouvernement Obama a affirmé de manière répétée et invariable que toutes les options sont sur la table au cas où les négociations sur le programme nucléaire iranien échouaient, y compris l'usage de la force. Alors, évidemment, il faut garder ça en tête. En dépit des négociations sur les armes chimiques syriennes, la région reste au bord d'un conflit majeur, du type de celui qui a fait éclater, qui a fait éclater ce mois-ci, effectivement. On dit dans cet article que dans un article, le journal d'État iranien en langue anglaise, qu'on appelle Press TV, Zahir Mahuri Maruki a déclaré Bachar al-Assad est un homme intelligent qui, à tout le moins, comprend que trahir la Russie et l'Iran qui ont soutenu ses efforts durant ces 2 dernières années serait une erreur grave. Par conséquent, toute grande décision prise par la Syrie a dû être réfléchie avec ses principaux soutiens et a dû recevoir une forme de garantie sur le fait qu'abandonner les armes chimiques ne serait pas aussi risqué que cela puisse paraître et qu'un plan de secours crédible est prévu. On dit que Maruki a suggéré que la stratégie de l'Iran s'appuie sur l'espoir que la Russie interviendrait dans une future guerre des États-Unis contre la Syrie, puisqu'elle a déjà envoyé des navires de guerre en Méditerranée pour surveiller ceux d'OTAN qui se tiennent prêts à lancer des frappes de missiles contre la Syrie. On dit que la Syrie va se soumettre, mais à une vitesse calculée, elle ne donnera à l'Amérique et Israël aucun prétexte légitime pour l'attaquer. Et ainsi, la Russie n'aura pas d'autre choix que de rester ferme. Si une attaque a lieu, la réaction de la Russie sera probablement bien plus forte que la récente confrontation méditerranée, écrit-il. Alors, article intéressant aussi à consulter. Et puis, dernier article sur lequel je voulais attirer votre attention, ça concerne un peu l'Iran, la rencontre qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Iran pour les pourparlers sur le nucléaire. Alors, ça aussi, c'est... bon, il y a du positif là-dedans. On dit que c'est les premiers pourparlers de ce plus haut niveau entre les deux pays depuis la révolution iranienne de 1979. On dit que c'est un face-à-face qui a eu lieu dans le cadre d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du groupe dit P5+1 qui rassemble les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France, plus l'Allemagne, formé en 2006 pour mener des négociations diplomatiques avec l'Iran sur son programme nucléaire. Alors, je tenais à vous parler de ça parce qu'il y avait une mention justement fort intéressante qui parlait en fait que l'Iran a régulièrement nié développer un programme nucléaire pour autre chose que des objectifs pacifiques et insiste sur l'idée que ces activités respectent totalement le traité de non-prolifération qu'ils ont d'ailleurs signé. On dit que les évaluations des services de renseignement américains ont établi que le pays n'a aucun programme d'armes nucléaires. Ça, c'est important à répéter. L'Iran qui a signé le traité de non-prolifération alors qu'Israël ne l'a pas signé et possède des centaines de têtes nucléaires avec les moyens de les lancer, de les faire parvenir sur la tête de leur ennemi. Alors, ça c'est intéressant. Il faut rappeler ces choses-là parce que c'est encore une autre inversion de la réalité. Le président iranien, récemment élu d'ailleurs, Hassan Rouhani, s'exprimant lors d'une réunion sur le désarmement nucléaire au titre de sa fonction à la tête du mouvement des non-alignés, a attiré d'ailleurs l'attention sur l'hypocrisie des États-Unis, encore une fois, et de l'Occident, encore une fois, qui accuse l'Iran pour un programme d'armes nucléaires non existant, qui n'a aucune preuve d'ailleurs, aucune preuve, tout comme les armes chimiques utilisées supposément par Bachar al-Assad contre sa propre population, tout en défendant Israël, hein, donc on défend Israël qui a amassé, elle, comme je disais, des centaines de têtes nucléaires, et contrairement à l'Iran, qui a refusé de signer le traité de non-prolifération ou d'autoriser toute inspection de ses installations. C'est important de rappeler ces choses-là. C'est près de 4 décennies d'efforts internationaux pour établir une zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient qui ont lamentablement échoué, a déclaré Rouhani, ajoutant qu'Israël devrait immédiatement adhérer à ce traité de non-prolifération et démanteler son arsenal nucléaire. Alors pourquoi ne pas parler de ça, hein? Donc, c'est effectivement un fait, il faut en parler. Et puis, Rouhani a d'ailleurs déclaré qu'il croyait qu'un accord pourrait être obtenu sur le programme nucléaire iranien en seulement 3 mois, imaginez. Vous voyez qu'il n'y a pas de manque de bonne volonté ici, là. C'est juste, encore là, de la mauvaise foi, de l'hypocrisie de la part des joueurs principaux comme les États-Unis puis Israël. Donc, intéressant. Donc, allez voir ça. Donc, écoutez, c'est tout pour nous, là, cette semaine. On a assez déblatéré, là. Fait qu'il va falloir déjà que je vous laisse avec ça. Donc, plein d'articles à consulter. Alors, sur ce, ben moi, je vais vous saluer bien bas. Et puis, je vais vous souhaiter un bon rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est pas plus compliqué que ça, ça, chers auditeurs. Alors, portez-vous bien. C'était François Marginan pour L'Autre Monde sur les ondes de Choc FM. Au revoir à tous.